fière de moi. Un martyr. Car quand tu es loin, je me sens orphelin. Même si je sais que nous deux, c'est pour la vie. C'est pour toujours, petit jolie comme un cœur, tu grandis dans le bonheur avec ton ami le lapin rose et petit dans tes mains. Jusqu'à l'aurore, jusqu'à demain, pour un destin fait de merveilles, bleu comme tes yeux. Couleur du ciel, tatoué par les secondes de ton arrivée dans ce monde. Rien ne te vaut, ma belle Ninon. Rien n'est plus beau que ton prénom. Celui-là, petit amour, que celui-là.